Parfait. Donc, nous allons continuer notre après-midi par après les exemples de réutilisation dans les différents exemples de réutilisation dans les services d'archives par les autres secteurs culturels qui pourront nous donner d'utiles éléments de comparaison. Alors, par rapport au programme, on va un peu intervertir l'ordre des interventions parce que nos collègues d'Alsace devront nous quitter vraisemblablement avant la fin pour pouvoir reprendre leur train. Donc, nous allons commencer par les services de l'inventaire et la réutilisation dans les services de l'inventaire avec deux exemples particuliers. Donc, Monsieur Corbineau qui vient pour les Pays de la Loire et Mesdames Potcher et Roth qui viennent pour l'Alsace, donc qui vont nous faire part effectivement de deux expériences parallèles qui se sont menées dans ces deux régions sur la réutilisation en open data des ressources de l'inventaire dans ces deux régions. Donc, Monsieur Corbineau, à vous et ensuite à nos collègues d'Alsace. Je remercie les organisateurs de cette journée d'avoir sollicité la région des Pays de la Loire. Donc, l'impulsion pour la région des Pays de la Loire vient bien des élus, et notamment du vice-président de la région, Monsieur Christophe Clergeau. Et je vais tenter de répondre aux questions suivantes, mais depuis ce matin, un bon nombre aussi de points ont été évoqués. Donc, quelle est cette volonté politique régionale? Quelles sont les données concernées? Quels sont les supports de diffusion choisis? Quelles sont les particularités des données de l'inventaire? Et quelles réflexions ont été menées? Quel premier bilan très faible peut être établi? Donc, je reprends en partie une déclaration de M. Clergeau, donc en juin 2013, devant le public de l'Open Data Week à Nantes. Pour lui, si pour les acteurs du numérique, l'open data est quelque chose qui va de soi, pour les élus, la première fois, c'est une découverte, un choc, il le dit bien de cette façon-là, et une interpellation qui a nécessité le temps de la réflexion. L'open data est une remise en question et une mobilisation des collectivités. Un travail qui n'est possible pour eux qu'avec le concours des associations ainsi que des acteurs de la communauté numérique locale. Une réflexion au sein du conseil régional avec les élus et les services a été menée pour aboutir fin 2012 à l'ouverture de la plateforme Open Data. La première question posée est le statut de l'information. Quelles données doivent être protégées? Qu'est-ce qui peut être marchand? Qu'est-ce qui doit être considéré comme un bien public, ouvert au plus grand nombre? Le choix arrêté, c'est à la fois de respecter et protéger la vie privée et de donner aux citoyens le choix de l'outil numérique, de limiter l'ampleur de la sphère marchande et d'aller vers une part plus importante des outils libres et ouverts, qui peuvent être appropriés par les citoyens et par tous les acteurs du numérique. La deuxième question posée est celle de la transparence. Finalement, la région a-t-elle quelque chose à cacher? Le choix de la transparence est pris en assumant une dimension de citoyenneté numérique qui passe par l'ouverture des données. La troisième question est celle de l'innovation, puisque l'open data est un outil d'innovation sociale, citoyenne et économique, par le partage des informations. La quatrième question, celle de la transparence, de la cohérence territoriale. Elle a permis de s'interroger. Faut-il faire quelque chose d'autonome ou faut-il se rallier à la stratégie des collègues territoriaux? Il a été choisi de mutualiser et d'avoir une plateforme unique avec Nantes, Nantes Métropole et le Conseil général de Loire-Atlantique. Les données mises en ligne sont l'ensemble des données budgétaires et les données de l'avis démocratique du Conseil régional. Les données liées à la connaissance du territoire régional, comme les observatoires régionaux, toutes les données factuelles des secteurs économiques ou de la société régionale, et ainsi, et bien sûr, les données de l'inventaire du patrimoine et tous les agendas régionaux, notamment culturels. Donc aussi les données liées aux compétences régionales, les aides économiques, sauf celles sur les personnes physiques, mais toutes les aides individuelles aux entreprises sont ouvertes avec leur localisation et leur secteur d'inscription. Les données factuelles sur les lycées et les centres de formation d'apprentis sont libérées. Également, toutes les données budgétaires, y compris les aides aux jeunes et celles relatives à l'offre de formation. Mais un travail a été nécessaire pour leur mise en forme et surtout un contrôle a été important. Et pour mettre en ligne l'ensemble des rapports de délibération adoptés par le Conseil régional et sa commission permanente à compter de 2013, pour ces données, il y a eu une attention très particulière pour la rédaction des rapports inhérents aux enjeux et aux contraintes de l'open data, notamment aux données personnelles. Depuis décembre 2012, donc, ces données, au nombre de 203 jeux, aujourd'hui, ont rejoint une plateforme open data mutualisée entre les trois autres partenaires, qui compte aujourd'hui 542 jeux en tout pour les quatre métropoles. Et là, le camembert qu'on peut voir, qu'on voyait tout de suite, montre la répartition donc, des jeux en fonction des thématiques. En gros, vous voyez, il y a comme 36% qui correspondent à la citoyenneté, 16% pour l'éducation et pour la culture et le tourisme, 7% sur donc, les 203 jeux mis en ligne par la région. Voici l'écran d'accueil du site à l'adresse datapaysdelaloire.fr. Cette plateforme, normalement, est là pour susciter et impulser des projets innovants dans de nombreux domaines. Donc chaque partenaire aussi a sa plateforme, elle est mutualisée, mais aux adresses, comme pour les Pays de la Loire, comme celle de ces Data Nantes ou Data Conseil Général. Dans l'élaboration de sa démarche d'ouverture des données publiques, les quatre partenaires ont fait le choix d'une licence libre. La licence Open Data Base Licence, l'ODBL, afin de permettre l'échange et le développement de services qu'une diffusion libre et gratuite est en mesure d'offrir. Cette licence d'usage des données complète le cadre juridique européen et français en matière notamment de la loi du 17 juillet sur la réutilisation des informations publiques. Là, je ne viendrai pas trop rentrer dans tous les problèmes de licence, j'en serais bien incapable. Et conformément aux objectifs d'une politique d'accès libre et aux données publiques, cette licence définit les droits et les devoirs des réutilisateurs des données téléchargées du portail. Au-delà du choix de la licence, l'autre enjeu est celui des formats, comme ça a été évoqué ce matin, afin de permettre à un maximum de réutilisateurs de se saisir des données publiques et de les sécuriser. Il est essentiel que les développeurs puissent les manipuler numériquement aussi librement que possible, ce que ne représentent pas les formats propriétaires. J'avais oublié de passer. Donc là, juste avant, donc on reprend sur la plateforme, on explique que toutes ces données sont sous la licence ODBL et qu'est-ce qu'elles représentent. Et ensuite, donc, les différents formats de données avec donc libre. Et nous retrouvons sur le site, bien sur notre site, deux jeux des données des archives régionales, celles concernant les entrées des archives et les fiches descriptives des ensembles et sous-ensembles d'archives. C'est celles qu'on voit à l'écran, avec ici donc le nom de la donnée, la date de mise à jour, qui est propriétaire. Et les différents formats sur lesquels on peut télécharger. De même pour celle de l'inventaire général, que l'on peut télécharger en quatre formats. Sur la droite, on voit un mode aussi de sélection qui permet des recherches thématiques. Sur cet écran, l'autre d'après, donc, comme on propose aussi en quatre formats, donc ici vous avez le format en XML, c'est peut-être pas très lisible, mais là on voit déjà qu'on a des champs indexés, très courts, et des champs libres, qu'on a déjà un petit peu évoqués ce matin, ils sont par exemple les historiques, les descriptions, et aussi un certain nombre de notices qu'on n'a pas ici, mais qui sont des notices d'intérêt généraux, comme on appelle nous, chez nous, des dossiers de synthèse, des collectifs, qui demande quand même une rédaction particulière des auteurs. Donc là, on a le format en XML, mais on peut avoir aussi le format en XLS, comme ici, sous forme de tableau. Arrêtons-nous sur les missions et les données de l'inventaire. L'inventaire général du patrimoine culturel, donc, recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine, qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. L'une des missions est bien de faire connaître, et aujourd'hui, les données se trouvent en ligne sur un site patrimoine de la région qui propose une navigation cartographique ou par un mode de recherche textuel. Ici, c'est un extrait avec une notice sur la collégiale Saint-Aubin à Guérande. À droite, vous trouvez les textes avec quelque chose de référentiel. Alors forcément, nos notices sont très longues. On a une cinquantaine de champs. Là, vous avez les premiers champs et dont, par exemple, ici, le départ du champ historique qui montre quand même un texte élaboré, et à côté, donc, une proposition de diaporama légendée avec une situation de l'édifice et à la fois des liens pour qu'il y ait les différentes notices. Et on peut retrouver aussi, liées à ces notices, des témoignages ou des visites virtuelles. Mais sa mission est-elle de mettre à disposition ces données pour que d'autres personnes se les approprient par des applications gratuites ? Un rappel sur les données. Elles sont composées de notices à champ indexé et à champ libre, qu'on a pu voir, liées à une iconographie constituée de photographies, de plans, de relevés et de cartes. Les auteurs de ces données sont des agents du service, sont des agents du service public, mais aussi des agents de collectivités partenaires, des associatifs, des agents privés exerçant la profession de chargé de mission, des architectes, des cartographes, des photographes. Les données mises en forme sont indexées, géoréférencées et comportent les noms des auteurs et les copyrights. Mais ces données, les données sont-elles liées par des droits de propriété intellectuelle ? On l'a vu depuis ce matin. Concernant les photographies, plusieurs droits y sont attachés. Les droits afférents aux droits de l'œuvre, les droits afférents au sujet représenté, les droits de la personnalité des personnes, les droits afférents à la propriété. En outre, la CADA a pu considérer que sont exclus du droit à réutilisation les informations publiques contenues dans les documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Dans une telle hypothèse, la CADA, déjà, s'agissant d'images aériennes numériques obtenues dans le cadre d'un marché public, estime que la qualification d'information publique doit être écartée. Et en plus, très peu de photos semblent être mises en ligne dans le cadre de l'open data aujourd'hui. Donc il a été décidé à la région de ne diffuser aucune photo de l'inventaire, qu'il y avait trop de risques civils et pénaux en raison de l'absence d'uniformité quant aux droits sur ces photos et leur cession à la région. Les données issues des champs indexés semblent être libres de droits. Par contre, les champs libres, introduction, comme je disais tout à l'heure, description, pourraient être une œuvre de l'esprit. Une affaire qui a été rapportée ce matin apporte une première réponse. Dans un premier jugement rendu en 2010, il a été reconnu que les données d'inventaire fournies constituaient une œuvre de l'esprit. Par contre, en appel, avec les mêmes documents, il a été jugé qu'il ne représentait pas et ne devrait pas présenter une originalité susceptible de justifier une protection à titre de propriété intellectuelle. Donc pour la région, il a été retenu qu'il serait prudent, juridiquement, d'obtenir l'autorisation préalable des titulaires des droits de propriété pour la diffusion en open data de leurs textes au cas où ils seraient reconnus comme des œuvres. Le seul problème, c'est qu'il faut retrouver tous les auteurs des notices réalisées. Aujourd'hui, les notices sont en ligne, mais on n'a pas encore l'autorisation de toutes les personnes. Concernant les données constituées, avant 2007, le texte de loi du 13 août 2004, relatif donc aux libertés et responsabilités locales, spécifie bien que les droits d'exploitation des données de l'inventaire, protégés au titre de la propriété littéraire et artistique, sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution de celle-ci ou pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit. Cet article permet-il une exploitation de ces données par d'autres intervenants pour des applications gratuites ? C'est une question qui n'est pas encore étudiée. Ces interrogations montrent que nous sommes au début d'un chantier prometteur, mais bien complexe. Aujourd'hui, 13 mois après la mise en ligne, le jeu de données de l'inventaire est le plus téléchargé. Loin devant les autres, on le voit ici. Donc, le jeu a été mis en 2006, au mois de juin 2013. Et aujourd'hui, il y a eu 1330 téléchargements. Et par rapport aux autres jeux proposés par la région, ils sont largement devant. De même, sur les plus de 500 autres jeux au niveau des quatre collectivités, le jeu de l'inventaire arrive en 10e. Un jeu téléchargé. Les principaux jeux qui devancent celle, si je peux dire, celle de l'inventaire, ce sont surtout celles qui concernent la localisation des équipements publics qui sont liés au parking ou aux horaires. Nous ne connaissons pas, par contre, les motivations des internautes qui téléchargent les données, comme on a pu voir tout à l'heure. Aujourd'hui, une seule application a été créée par l'association Libertid, TIC, qui se nomme Balade en Loire Sémantique, et utilise donc ces données. Elles sont liées et croisées avec d'autres données. Comme on peut voir sur ce site web expérimental, on peut donc, on peut à partir de, sur une commune, rechercher à la fois les données sur la commune, de connaître un petit peu les transports qui nous y mènent, les différents services culturels, les différentes, toutes les données, et aussi de connaître les données du patrimoine. Donc là, nos données rentrent dans un autre jeu de données qui vient augmenter la connaissance sur un territoire. Mais cette première application vient d'être mise en ligne, et donc là, je ne peux pas vous dire exactement qui l'utilise et le nombre de personnes, c'est encore trop tôt, et si ça pose des problèmes. Là, de même, sur nos jeux de données, on a, par exemple, toutes les données sur le patrimoine de la commune. Mais là aussi, est-ce que, là, je n'ai pas pu voir exactement, est-ce qu'ils ont interprété aussi nos données pour montrer, c'est, par exemple, le patrimoine qui a été sélectionné, s'il est accessible au public, s'il est visible de la route, si on peut le voir ou pas. À mon avis, normalement, il y aura un travail, justement, de la personne qui réalise l'application pour enrichir nos données. Donc, je crois que c'est ce que l'internaute attend. Donc, la mise à disposition plus importante de nos données, notamment avec les photographies, demandera une préparation et une sélection en interne très lourde. Et donc, pour nous, cette étape n'est pas encore programmée. Aujourd'hui, les efforts sont d'abord portés sur un site patrimoine qu'on a pu observer tout à l'heure, reprenant l'ensemble des données constituées et proposant des entrées à la fois intuitives, comme la cartographie, et des applications de valorisation interne, comme des visites virtuelles à partir de 360 degrés. À moins que les élus viennent bousculer cette programmation, je ne crois pas qu'on va retravailler tout de suite sur nos données pour les transformer, pour les mettre justement en ligne. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette expérience des Pays de la Loire. Alors, je crois que l'Alsace est allée un petit peu plus loin encore dans la mise à disposition des données en open data, parce que je crois que les photographies également, là, pour le coup, sont accessibles. Et par ailleurs, vous avez en Alsace lancé un appel à projet pour soutenir des projets innovants sur la réutilisation de vos données. Donc, c'est l'occasion pour nous de savoir quels sont un peu les résultats, le pourquoi, et quels sont les résultats de cet appel à projet, et comment vous-même avez-vous traité le droit de propriété intellectuelle des photographies, puisque la question a été posée par le collègue des Pays de la Loire. Voilà, alors effectivement, l'intervention que Hélène Bott et moi-même allons vous faire pour le service de l'inventaire du patrimoine de la région Alsace, je pense, sera assez complémentaire de celle que vient de vous faire François pour les Pays de la Loire. Mais avant d'entamer cette présentation, je souhaitais remercier les organisateurs de cette très intéressante et très stimulante journée, puisque contrairement au service d'archives dont on a pu voir que toute la réflexion sur la libération des données, leur réutilisation et l'open data, les enjeux de l'open data ont déjà été, ont donné lieu déjà à des réflexions et à des projets. Il apparaît, du moins c'est le sentiment que nous on a eu en Alsace, mais je pense qu'il est partagé quand même par un certain nombre de services d'inventaire, que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, puisque, sauf erreur de ma part, il y a deux services d'inventaire qui ont ouvert un portail, dont les données figurent dans un portail open data. Donc, ce sont les Pays de la Loire et l'Alsace. Mais je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre d'autres services réfléchissent également à la mise en œuvre de jeux de données, la libération de jeux de données sur des sites ou des portails open data. Alors, l'intervention que nous allons vous faire, Hélène et moi, sera avant tout pragmatique. C'est vraiment un retour d'expérience sur une libération de données, effectivement, d'un appel à projet qui nous a amenés à réfléchir en fait, aux usages, à la façon peut-être la plus pertinente de libérer nos données, aux usages qui pourraient en être faits et aux éventuels écueils ou dangers peut-être à éviter. Alors, il ne s'agit du coup absolument pas de vous faire une présentation un petit peu... théorique, hein, mais vraiment plutôt de partager un retour d'expérience. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Hélène vous présenter le portail Open Data et la façon dont les données d'inventaire ont été libérées dans ce portail, pour vous parler ensuite effectivement des aspects juridiques concernant ces données, et bien entendu, donc avant tout pour les services d'inventaire, des questions afférentes aux droits d'auteur, pour enfin vous parler de l'appel à projet et de nos premières conclusions, puisque les lauréats de l'appel à projet ont été récompensés il y a 10 jours à peine, donc c'est vraiment très tout neuf pour nous. Merci. Donc, le portail Open Data de la région, le projet a été lancé en 2012 dans la démarche plus globale d'ouverture et de libération des données publiques. C'est un portail qui a été lancé à l'entière initiative de la région Alsace. Et le site internet, le portail en lui-même, a ouvert à l'automne dernier. Donc on va souffler sa première bougie là, dans les jours à venir. C'est un portail intercollectivité, comme ça a été mentionné ce matin. Pour l'instant, ce sont essentiellement les données de la région qui sont disponibles sur le portail, mais le site a totalement vocation à accueillir d'autres données, des intercommunalités, des communes ou tout autre partenaire de la région. Donc, sur ce portail, on trouve des données qui sont traditionnellement mises en ligne, hein, sur les plateformes Open Data, des données du SIG, en particulier des données vraiment géolocalisées, les données liées à l'éducation, à la formation. Alors, la région manipule un certain nombre de données liées au transport, mais pour le moment, on n'en est pas propriétaire puisqu'elles appartiennent à la SNCF. Et donc, pour cette raison, les données liées au transport ne sont pas disponibles sur le portail. À ces données traditionnelles que l'on trouve classiquement sur les portails, la région a souhaité ajouter les données de la direction de la culture et plus particulièrement du patrimoine avec les données du SIP, du service de l'inventaire du patrimoine. Des données qui ont très vite posé la question du droit d'auteur, mais ça, Marie vous en parlera tout à l'heure. Et donc le portail Open Data et les données mises en ligne du SIP sont vraiment à voir comme un lien très fort avec notre site internet, hein, qui a été lancé lui-même au printemps 2012. Sur le site internet, contrairement au Pays de la Loire, on a fait le choix de ne présenter qu'une sélection de champs qui sont issus de nos bases de données, tout simplement parce que le moteur de recherche du site cherche sur la globalité des champs. Donc plus on en mettait, et plus le moteur avait des risques d'être ralenti dans ses réponses. Donc on a fait une sélection d'une dizaine de champs qui sont affichés dans une fiche de résultats de recherche donnant accès à l'intégralité du dossier numérisé, soit en format PDF, soit en format HTML. On a procédé de la même façon après pour les données à mettre en ligne sur Open Data. À ceci près, par rapport aux questions liées aux droits d'auteur, au départ, on était très, très prudente, et on s'est dit, attention, les champs à texte libre, susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur et à forte valeur ajoutée, on va essayer de les protéger au maximum. Donc, pour l'instant, on ne les a pas proposés sur le portail. On a exporté uniquement des champs indexés. Et on verra tout à l'heure, c'est un script qui exporte les données entre le site et qui les envoie sur Open Data. Donc ces champs, pour l'instant indexés, sont disponibles sur Open Data. On a décidé, nous, d'y proposer les photos également. Alors, pas directement, en fait, hein, les fichiers ne sont pas accessibles, les fichiers JPEG ne sont pas accessibles depuis le portail Open Data. On avait une contrainte de volumétrie déjà, puisqu'il y a environ 45 000 images qui sont disponibles sur le site Internet. Certes, dans des basses résolutions et des petites tailles, mais le nombre est là quand même, donc ça commençait à faire un poids conséquent. Et c'était compliqué de générer un fichier zippé au moment où on importait les données depuis le portail Open Data pour récupérer les photos. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans le script d'export qui cherche les données sur le site Internet pour qu'on puisse les exporter dans l'Open Data, le script rajoute une URL unique par image qui pointe donc sur le site internet du SIP. Ça nous permet en même temps de garder l'indication de la source fidèle, exacte et là indispensable, vraiment fournie avec dans le jeu de données. Et ça nous permettait de contourner les deux contraintes techniques dont je viens de vous parler. Donc Le script d'export est exécuté directement à partir du CMS du site internet. On a fait un développement spécifique pour pouvoir exécuter ce script. Les internautes récupèrent un fichier au format CSV. On ne propose qu'un seul format de récupération des données. Et donc c'est le SIP qui met à jour le fichier plus ou moins tous les deux mois, en fonction des nouveautés. Donc là, par rapport aux problématiques de droits d'auteur, pendant un temps, on avait stoppé la mise à jour aussi du site internet, le temps de vraiment régler cette question-là et de ne pas noyer les photos qui étaient déjà en ligne par des nouveaux versements. Mais globalement, c'est à peu près tous les deux mois qu'on met à jour le fichier. On récupère l'export CSV que l'on transmet à la DSI, qui le toilette tout bien correctement, parce que le portail apparemment exige un format CSV bien particulier. Donc la DSI fait ce travail d'ajustement du fichier, l'envoie sur le portail Open Data, qui est mis à jour. Et si vous êtes abonné aux notifications, vous pouvez recevoir une petite alerte qui vous prévient que de nouvelles données sont disponibles, ou des données mises à jour sont disponibles, ont été mises en ligne sur le portail. Voilà, donc ça c'est pour la situation actuelle. Et par rapport à l'appel à projet dont vous a parlé Marie, beaucoup de questions se sont posées, à la fois sur les données vraiment à mettre à disposition et à l'avenir sur la source des données à exporter, puisque là on fonctionne à partir de notre site internet, mais les services d'inventaire, quelques-uns sont présents dans la salle, sont en train de basculer sur un nouvel outil métier qui nous permet de produire nos dossiers nativement de façon numérique qu'il faudra peut-être à l'avenir attaquer directement pour récupérer les données et les fournir sur le portail Open Data. Alors, oui, qu'en est-il donc à présent de la libération de ces données qui, comme donc on vous l'a dit, sont soumises aux droits d'auteur. En tout cas, nous les avons estimées comme telles, qu'il s'agisse des photos et des textes. Alors, on pourra revenir effectivement sur la jurisprudence de la Baule. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les a vus. Alors, si je ne vais pas revenir dessus, parce que François vous les a déjà très bien présentés de manière assez complète, mais très rapidement peut-être quand même, parce que s'il y a quelques membres des services d'inventaire dans la salle, ils ne sont pas majoritaires. Donc, comme vous l'a dit François, non, mais voilà, que vous sachiez tous. Donc, il y a trois types de champs à texte libre, donc des champs indexés, mais également trois types de champs à texte libre, un champ d'historique, un champ de description et un champ de synthèse. Alors, tout d'abord, pour la licence Open Data, donc c'est la licence ODBL adaptée, donc qui est commune en fait à l'ensemble du portail Open Data, enfin Alsace Open Data, adaptée parce que contrairement à la direction des affaires juridiques du Pays de la Loire, la direction des affaires juridiques d'Alsace n'avait pas particulièrement tiqué au moment de la mise de la libération des données d'inventaire. Et c'est nous qui leur avons dit, nous avons peut-être des données qui sont soumises aux droits d'auteur, il faudrait peut-être faire attention. Alors bien entendu, dans un premier temps, on a tout de suite pensé aux photographies, puisque une des possibilités aurait été de ne pas mettre les photographies. Donc c'est comme vous l'a dit François, le choix qui a été fait du moins dans un premier temps pour les Pays de la Loire. Nous avons quand même souhaité les mettre parce qu'on estimait que c'était quand même une des grosses valeurs ajoutées des données d'inventaire dans ce portail. En revanche, nous avons demandé effectivement que le nom du photographe y figure et qu'il y ait interdiction de modifier les photographies. Ça figure vraiment en toutes lettres que les photographies de l'inventaire ne doivent vraiment être utilisées en l'état. Bien entendu, Hélène vous l'a dit rapidement, donc les photos sont accessibles en basse définition, c'est du 800 x 600 en 72 DPI, voilà. Avec un filigrane dans le bas, incrusté dans la photo, qui mentionne le nom du photographe avec le copyright Région Alsace Inventaire Général. Donc, le contenu des notices, donc je vous en parlais, donc effectivement pour les champs textes, les champs indexés, pour lesquels a priori il n'y a pas le droit d'auteur, puisque c'est un système qui est normé au niveau national et que donc les auteurs des notices ne créent pas, c'est pas une œuvre de l'esprit de la part des auteurs des notices. En revanche, parmi les trois types de champs à texte libre dont je vous parlais à l'instant, nous avons quand même fait le choix de maintenir le champ de description. Pourquoi ? Nous n'avons pas souhaité, parce que ça nous semblait quand même peut-être, c'était plus facilement modifiable. Enfin, c'est du moins la position qu'on avait eue dans un premier temps. Était beaucoup plus facilement modifiable les champs d'historique, les champs de synthèse, qu'une photo. Donc on estimait que parmi les trois types de champs à texte libre, le champ d'historique et le champ des synthèses étaient ceux dans lesquels la part de création, la part d'œuvre de l'esprit de la part des chercheurs était vraisemblablement la plus forte. Les champs de description, je pense que ça peut tout à fait se discuter, hein, mais on a vraiment essayé d'avancer de manière pragmatique. L'était peut-être un peu moins, puisque la description de l'inventaire est aussi quelque chose de très normé, hein, dans l'ordre de ce qu'on décrit. On est peut-être aussi dans quelque chose de plus factuel, puisque le chercheur décrit ce qu'il voit, même si, ça on pourrait bien entendu en discuter, hein, forcément dans une description, il y a forcément aussi une part de création. Mais du moins, on estimait un champ peut-être un petit peu, qui était peut-être un petit peu moins sujet, on va dire, aux droits d'auteur. Et de la même façon que pour les photos, on souhaitait quand même qu'il y ait au moins un champ à texte libre, parce que mettre que des champs indexés, on trouvait que c'était quand même très aride et que c'était peut-être un peu dommage. Avant tout, la libération des données d'inventaire dans le cadre de l'open data, l'objectif, c'est quand même de valoriser ces données, d'encourager à leur réutilisation. Donc si on met des choses qui ne sont pas très intéressantes pour les réutiliser, autant ne rien faire. Alors, enfin, le cas des photos, dont je vous ai dit qu'on a fait adapter la licence. D'autre part, on a fait un gros travail de recherche auprès des photographes. Alors, pour les photographes, il y a à la fois, dans les photographies qui ont été libérées, à la fois des photos des chercheurs et des photos de photographes professionnels. Une partie de ces photographes professionnels sont des agents de la collectivité ou anciennement agents de la collectivité. D'autres sont des prestataires extérieurs qui ont intervenu à différentes dates pour la région. Alors pour les prestataires extérieurs, pour les prestataires actuels, parce qu'on a depuis relancé un marché de prestation de photos avec deux photographes, on a intégré dans leur contrat que les photos seront diffusées dans le portail Open Data en 72 DPI avec tout ce que je vous expliquais. Donc ça, ils ont donné leur accord. Pour les photographies déjà existantes, des photographies déjà réalisées dans le portail Open Data, on a avancé de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'on a à peu près tout photographe confondu, hein, professionnel et chercheur, je pense qu'on doit avoir à peu près 70 auteurs. On est parti du principe que toutes étaient potentiellement soumises aux droits d'auteur. C'est quelque chose aussi qui pourrait faire l'objet de discussions, mais comme on l'a déjà évoqué ce matin, la jurisprudence, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. On ne souhaitait pas forcément essuyer les plâtres. Donc, on s'est dit autant être le plus prudent possible, mais avancer quand même de manière pragmatique. Donc, on s'est dit, on va d'abord, dans un premier temps, essayer de se mettre en règle vis-à-vis des photographes professionnels. Donc, on a édité la liste des photographes professionnels dont les photos se trouvent dans le portail Open Data. On en avait une vingtaine à peu près. Et on les a tous individuellement retrouvés, soit eux-mêmes, soit leurs ayants droit. Pour certains qui étaient aux États-Unis, en Pologne, on les a retrouvés. Alors, on a cherché à les retrouver. Et on leur a adressé à tous un document où on leur expliquait la démarche et où on leur demandait de donner leur accord. Donc, ils pouvaient accepter, refuser. Et on leur joignait la licence. Et dans l'hypothèse... Donc, dans l'hypothèse où ils étaient d'accord, ils pouvaient signer la licence. Dans l'ensemble, on a eu quasiment que des accords. On a eu quelques personnes qu'on n'a pas réussi à retrouver. Mais on me dit d'accélérer, donc j'accélère. Voilà. Alors, parce que c'est peut-être ça qui est peut-être le plus original, du moins dans notre présentation. Puisque à la demande du vice-président en charge de la culture a été lancé un appel à projet open data sur les données d'inventaire en vue d'encourager à leur réutilisation. Alors cet appel à projet a été lancé le 5 mai, les candidats avaient jusqu'au 15 juillet pour soumettre des projets. On leur demandait pas d'avoir de finaliser une application mais d'avoir un projet d'application. Donc on a eu 11 candidatures, je vous les présente pas par le menu parce que ce serait un petit peu long et voilà. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup interpellés sur la façon dont étaient perçues nos données. Parce qu'on l'a vu cet après-midi, notamment avec les données d'archives, qu'il s'agissait essentiellement des données de généalogie. Vous me dites de m'arrêter si je me trompe. Mais donc, du coup, des données d'état civil qui, a priori, sont quand même bien comprises par les personnes qui envisagent de les réutiliser. Or, dans le cadre de l'inventaire, je pense que c'est quand même beaucoup moins le cas. On a eu des choses assez surprenantes, donc des gens qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'étaient les données d'inventaire, qui nous proposaient, pour donner quelques exemples, parmi des projets d'application, de faire des concours, enfin de choisir, de voter pour les photos les plus insolites. Alors, ce qu'on trouvait peut-être un peu bizarre, si bon, pourquoi pas. Bon, évidemment, beaucoup d'applications de découvertes touristiques, mais alors qu'un certain nombre quand même de sites ou d'objets, en tout cas, qui sont étudiés par l'inventaire, ne sont pas visibles du public, donc ça interroge quand même un petit peu. On se dit, mais est-ce que ça va vraiment être viable comme application ? D'autres, alors aussi dans des choses aussi un petit peu plus... farfelues, un peu amusantes, qui, dans l'appel à projet, ils étaient invités à croiser les données avec d'autres sources de données en open data. Donc, ils proposaient aussi de croiser les données d'inventaire, enfin les données du portail du patrimoine, comme ils disaient, sur le portail open data de la région, avec les données de l'inventaire sur Mérimée. Alors, on dit, ben oui, mais, enfin, c'est croiser nos données avec nos données, donc bon, vous pouvez essayer. Enfin, ils n'avaient pas forcément compris que c'était a priori les mêmes. Et voilà. Alors enfin, pour terminer, finalement, ça nous a aussi beaucoup interrogé sur la façon de mieux peut-être protéger nos données. Si vous, je m'explique. Donc je vous ai dit que parmi les champs à texte libre, seul le champ de description était proposé dans l'open data. Et on invitait par contre les lauréats à aller voir notre site pour qu'ils comprennent bien. Et je pense que ça un petit peu dérangé un certain nombre de candidats qu'ils avaient envie de compléter nos données et certains qui proposaient de compléter nos données avec Wikipédia, donc d'autres de les compléter eux-mêmes, de les corriger. Donc bon, voilà. Donc en fait, et c'est un petit peu l'état de notre réflexion, finalement, comment ouvrir nos données tout en se protégeant. Alors, ce que j'entends par protéger, il ne s'agit pas de dire on donne d'une main et on reprend de l'autre, ce n'est pas du tout ça, mais c'est, en fait, à partir du moment où nos données sont réutilisées dans des applications, et ça a été tout particulièrement le cas, forcément, dans l'appel à projet, puisque les lauréats avaient été récompensés, donc il fallait qu'ils mettent le logo de la région Alsace, qu'ils disent que ces données provenaient de l'inventaire. Si elles étaient altérées, mal comprises, croisées avec des données qui étaient moins fiables ou voire erronées, ça posait quand même vraiment problème, et voilà, ça remettait peut-être en cause la crédibilité des données de l'inventaire. Donc finalement, est-ce qu'ouvrir à minima est la solution ? Est-ce qu'à l'inverse, on s'est dit, il n'aurait pas mieux valu ouvrir, mettre tous les champs, historique, description, synthèse, mais en encadrant de la même façon qu'on a encadré, qu'on est en train d'encadrer pour les photos, vraiment en ayant l'accord de tous les chercheurs, ou peut-être, parce que là, alors, c'est vraiment en guise d'ouverture, et c'est une interrogation peut-être pour nos collègues de l'inventaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors ce que j'appelle ouvrir maximum en figeant certains contenus, c'est-à-dire que est-ce que finalement l'œuvre de l'esprit dans un dossier d'inventaire, est-ce qu'elle est dans les trois champs, donc en texte libre individuellement, ou est-ce qu'il ne faut pas estimer que la démarche intellectuelle, elle est dans les trois champs ensemble ? C'est-à-dire qu'il faudrait se dire historique, description, synthèse, c'est un seul texte qu'il faudrait garder comme tel, ne pas modifier, ou si on n'en utilise que des extraits, parce que dans une application mobile, tout un dossier d'inventaire, c'est peut-être pas forcément toujours très digeste. Voilà, en situation de mobilité, c'est pas forcément toujours terrible, mais peut-être en tout cas bien mentionner qu'il s'agit d'un extrait et le me présenter comme tel. Voilà, pour ce retour d'expérience sur la libération des données d'inventaire par l'open data en Alsace. Voilà, merci de votre attention.